إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence maintenant la partie 5 dans la lecture des questions et réponses du livre de Cheikh Ubayd al-Jabiri au sujet des questions et réponses qui ont été posées au sujet de l'attitude à adopter envers les gens de la sunna et envers les gens de la fausseté, les gens de bid'a, les gens de l'égarement, et comment on doit distinguer entre les deux. Donc il y a une question qui a été posée ici, c'est la question numéro 12. السؤال الثاني عشر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا. يقول السائل: كيف يتم التفريق بين الغلو في الجرح والحزم والشدة على أهل البدع التي تعتبر منقبة؟ Donc la question qui a été posée au Cheikh Ubayd ici, c'est: comment pouvons-nous distinguer entre l'exagération dans le jarh, dans la critique, et la fermeté et la dureté que les salafs avaient envers les gens de bid'a, et qui est considéré comme quelque chose de louable et comme une qualité chez les salafs. Donc comment distinguer entre l'exagération et l'extrémisme dans le jarh et la fermeté et la dureté que les salafs avaient contre les gens de bid'a, qui est considéré comme une éloge et comme quelque chose de louable chez les salafs. Donc, cette question, elle est très importante et elle répond à des shubuhat qui sont présentes actuellement, parmi certains individus combattent les salafis et critiquent les salafis, de faire trop de mise en garde ou de faire trop de critiques et des choses de ce genre. On va voir dans cette réponse du Cheikh comment il va clarifier cette question. Et juste pour vous dire en commençant que le Cheikh, il commence à répondre à la deuxième partie, donc à la deuxième aspect de la question, puis il clarifie la première aspect ensuite à la fin de sa réponse. Donc il dit « Aqul » ولعلنا نبدأ بالشطر الثاني لسؤالكم. Donc il dit, commençons par la deuxième aspect de votre question, c'est-à-dire la fermeté et la dureté envers les gens de bid'a, qui est considéré comme étant une éloge ou comme quelque chose de bien, comme quelque chose qui est considéré comme une bonne caractéristique chez quelqu'un. Il dit « وهو أن أهل السنة الأصل عندهم الشدة على الشدة على البدع وأهلها وقوة النكير والغلظة وذلك حينما تقوى شوكتهم وترجح كفتهم فإنهم في هذه الحال لا يرعون حرمة لمبتدع بل يهينونهم ويحتقرونهم ويهونون من شأنهم Donc, le cheikh, il commence et il dit, c'est que les gens de la sunna, pour eux, c'est un fondement d'être dur envers les bid'ah et envers les gens de bid'ah. C'est un principe fondamental pour eux d'avoir de la dureté envers les bid'ah, envers les innovations et envers les gens de l'innovation, et de les condamner fortement et d'avoir de la rudesse envers eux, d'être rude envers eux. Et ça, bien entendu, c'est lorsque les gens de la sunna ont une force, c'est-à-dire qu'ils sont forts et qu'ils ont le pouvoir et l'autorité de leur côté, et que la balance penche en leur faveur. Alors, dans cet état-là et dans ce cas-là, yani, ils ne donnent au mubtadir aucun respect. Ils ne donnent au mubtadir aucun respect. Ils les rabaissent et les dénigrent. Ils ne leur donnent aucune importance. Ils rabaissent leur importance. Donc ça, c'est la base. Et juste en passant ici, il y a un bon livre écrit à ce sujet-là par le cheikh Khalid al-Zafiri. Et ce livre, il parle de l'ijma, des ulama, sur le fait qu'il faut détester et boycotter les gens de bid'ah. Et on a fait ce livre quand j'étais l'année passée en Belgique, et j'ai traduit le livre au complet avec les frères. Et il est rempli de citations et de paroles des ulama et des salafs pour clarifier la position justement et montrer que c'est le consensus des salafs d'être dur et de boycotter et de de détester les gens de bid'ah. Et même que ce livre du cheikh Khalid al-Zafiri, il a été préfacé, et un des chouyours qui ont préfacé le livre, c'est justement le cheikh Ubayd al-Jaberi, un des ulama qui ont fait la préface du livre. Donc on va continuer. Le cheikh, il dit, al-aslu fi hadha an-nass wa sirat as-salaf as-salih wa hiya ijma'. Fa-an-nass minhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam sayakunu fi akhir ummati unas. Sayakunu fi akhir ummati unas. Yatahaddathunakum بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. رواه مسلم في مقدمة صحيحه من حديث أبي هريرة، وكذلك رواه البغوي في شرح السنة. Donc le cheikh, il dit, la base par rapport à cette question, c'est premièrement les textes, soit les textes du Coran ou de la Sunna, qui sont clairs et explicites à ce sujet-là. Puis deuxièmement, l'exemple de la vie des salaf al-salih, et ça, c'est bien entendu le consensus. Donc le cheikh, il dit que le texte, parmi les textes de la révélation qui prouve ce principe-là, il y a le hadith qui est rapporté par l'imam muslim dans son introduction, dans l'introduction de son sahih, et qui est rapporté selon Abi Huraira, et il est également rapporté dans Sharh al-Sunna de l'imam al-Baghawi. Donc qu'est-ce qu'il dit, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit qu'il y aura vers la fin de ma umma des gens qui vont vous parler de ce que vous n'avez jamais entendu, ni vous ni vos pères. Alors prenez garde à eux, et alors faites attention à vous-même et prenez garde à ceux-là. Faites attention à vous-même et prenez garde à ceux-là. Le cheikh, il dit, وفي الحديث الصحيح الآخر وهو حديث الافتراق الذي يهون من شأنه بعد المتحزلقين من قادة الثورة الفكرية التي هي حرب على الدعوة السلفية وأهلها ويضعف هذا الحديث ويلتمس في التهوين من شأنه وعدم استعماله. وهو حديث مشهور وهو حديث صحيح مشهور تلقاه أهل السنة بالقبول واستعملوه. ومن ألفاظه افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. Donc le cheikh il explique, il dit également il y a le hadith authentique, un autre hadith authentique parmi les hadiths qui prouvent ce principe, qui est le hadith de la division qu'on appelle hadith al-iftiraq, et que certains d'entre eux, yani les têtes de la pensée révolutionnaire parmi les groupes de Hizbiyin, ils essaient de rabaisser ce hadith et ils essaient de le dénigrer, de ne pas lui donner de l'importance, hein, parce que il dit parce que ces gens-là, ils veulent faire la guerre, ils font la guerre à la da'wa salafiyya et aux salafis, et ils essaient de rendre ce hadith faible, hein. Ils cherchent à rendre ce hadith faible et ils essaient, en dénigrant ce hadith, hein, de faire en sorte que les gens ne l'emploient pas, hein, et ne le prennent pas en considération. Toutefois, c'est un hadith qui est authentique et qui est célèbre, et que les gens de Ahl Sunnah ont accepté et ont employé et utilisé, hein. Et parmi les différentes narrations de ce hadith, il y a celle qui mentionne les termes suivants, que les juifs se sont divisés en 71 sectes, que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et que cette umma se divisera en 73 sectes. Elles seront toutes en enfer excepté une. Ils ont dit, ô messager d'Allah, laquelle est-ce, c'est-à-dire laquelle d'entre ces sectes qui sera sauvée de l'enfer? Parce qu'il a dit excepté une. Donc c'est laquelle d'entre ces sectes ou lequel d'entre ces groupes qui sera sauvé. Et il y a des frères qui disent, il ne faut pas dire secte, hein, quand on traduit firqa. Il faut plutôt traduire par groupe. Mais la réalité c'est que les deux c'est la même chose. Que tu dises secte ou que tu dises groupe, hein, les deux ont la même signification, c'est-à-dire des groupes. Des séparations ou des divisions, hein? Et même que les sectes, c'est en arabe, on dit firaq, firaq, et le terme qui est employé ici dans le hadith, même en arabe, c'est firqa, hein? Donc c'est vrai que le terme firaq et firqa, c'est péjoratif, hein? Ça a un sens négatif, un sens mauvais, et c'est pour ça qu'on rajoute toujours, lorsqu'on parle du groupe sauvé, on dit, hein, al-firqatun najiyah, hein, le groupe ou la secte sauvée. Donc du moment qu'on dit de la secte en question qu'elle est sauvée, eh bien ça la fait sortir du sens péjoratif que le mot secte peut avoir, puisque c'est le groupe qui suit la vérité, qui suit l'islam, le vrai islam. Wallahu a'lam. Donc sinon on peut dire groupe aussi, c'est la même chose, hein. Et lorsqu'ils ont demandé au messager d'Allah laquelle donc va être, hein, sauvée, laquelle va être au paradis, ils ont dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-jama'a, c'est-à-dire c'est le groupe. Et il dit, wa fassaraha ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi qawlihi al-jama'a ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak. C'est-à-dire Ibn Mas'ud l'a interprété, il l'a expliqué en disant que la jama'a, c'est-à-dire le groupe en question, c'est d'être en accord avec la vérité, même si tu es seul. D'être en accord avec la vérité, même si tu es seul. Donc la jama'a, ce n'est pas un groupe par rapport à un nombre seulement, c'est un groupe dans le sens que c'est d'être sur la vérité, même si tu es tout seul, tu es le groupe. C'est ça que ça veut dire. Même si tu es seul, mais c'est toi qui es sur la vérité et que les autres sont sur l'égarement, eh bien, du fait que tu es sur la vérité, c'est toi le gros. Hein? Et il dit wa fi riwayatin ukhra yuhassinuha ba'd ahl al-'ilm li shawahidiha qalu man hiya ya rasul Allah qal من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Dans une autre narration que certains hommes de science ont déclaré comme étant hassan, c'est-à-dire comme étant bonne, à cause de ces des autres narrations qui la supportent, c'est lorsque ils ont demandé au messager d'Allah laquelle sera sauvée parmi ces sectes ou parmi ces groupes, et il a répondu. هي من من هي يا رسول الله إلى ذي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. C'est-à-dire c'est celle qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Et le شيخ dit ensuite وأخرج الشيخان من حديث حذيفة قال رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت فهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي وفي بعض ألفاظه يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي قال تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد هذا الخير يعني هذا الذي فيه دخل شر قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت فصفهم لنا يا رسول الله قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعد على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Donc ça c'est le hadith de Hudhayfa, le hadith célèbre, hein, qui est mentionné souvent dans les livres de Ahl al-Sunnah, les livres de la Sunnah. C'est le hadith dans lequel Hudhayfa dit les gens avaient l'habitude de poser des questions au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils demandaient à propos du bien. Tandis que moi, je lui demandais toujours à propos du mal, par crainte que ce mal me touche, hein, ou que par crainte que ce mal m'arrive. Alors je dis, ô messager d'Allah, nous étions dans une ignorance et dans un mal. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous est venu avec ce bien. Est-ce qu'il y a, après ce bien, est-ce qu'il y a un mal? Alors il dit oui. Alors je dis, et est-ce que après ce mal il y aura un autre bien? Il dit oui, mais il y aura dedans de la brume ou de la fumée. Et je dis, et quelle sera cette brume, quelle sera cette fumée? Il dit, des gens qui ne guideront pas selon ma guidance et qui ne suivront pas ma sunna. Et dans certaines narrations, qui guideront par autre que ma guidance et qui suivront autre que ma sunna. Hein, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, certaines choses d'eux tu vas approuver et d'autres tu vas dénoncer, tu vas ne pas accepter. Tu vas accepter certaines choses qu'ils vont faire qui sont bonnes et d'autres ils font des choses qui sont mauvaises. Qultu. Alors, Hudhayfa dit, je dis, est-ce que après ce bien dans lequel il y aura de la brume, est-ce qu'il y aura un mal? Il dit, hein, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y aura des gens qui inviteront aux portes de l'enfer. Quiconque répondra à leur invitation, sera jeté dedans, sera jeté dans l'enfer. Donc, quiconque répond à leur invitation, lorsqu'ils invitent aux portes de l'enfer, eh bien, ils seront jetés dans l'enfer. Je dis, décris-les-nous, ô messager d'Allah. Je dis, décris-nous ces gens-là qui appellent aux portes de l'enfer. Il dit, هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. C'est-à-dire, ce sont des gens de la même origine que nous. Et, yani, ils parlent la même langue que nous. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك. C'est-à-dire, je dis, et qu'est-ce que tu m'ordonnes si une chose pareille m'arrive, ou une chose pareille me vient à cette époque-là. Qu'est-ce que je dois faire? قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. Il a dit, tu restes avec le corps des musulmans, hein, tu restes avec le corps des musulmans et avec leurs dirigeants. Hein, tu restes avec le corps des musulmans et avec leurs dirigeants. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. Je dis, et qu'est-ce que je fais si ils n'ont pas ils sont pas réunis en une jama'a et ils n'ont pas d'imam. Qu'est-ce que je fais? Alors il dit, dans ce cas-là, ta'tazil tilka al-firqa kullaha. Dans ce cas-là, tu t'écartes de tous ces groupes, de tous les groupes, de toutes les sectes. Hein? Tu t'écartes de tous les groupes et de toutes les sectes, même si tu dois mordre, le tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort t'arrive, hein, jusqu'à ce que la mort vienne. Hein, tu restes ainsi. Tu restes dans cette situation-là. C'est-à-dire, tu t'écartes de tous les groupes et de toutes les sectes. Et là, donc, le cheikh, il explique maintenant les points qui sont bénéfiques dans ce hadith-là, et il va les énumérer, un à un. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith comme point bénéfique et comme élément important? Donc il dit, فبي ضميمة هذه الأحاديث وما في معناها وهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا يوجب العلم والعمل يستخلص طالب الحق والسنة ما يأتي. Donc, tous ces hadiths qu'on a mentionnés et les hadiths qui sont dans la même signification que celui-ci, ils comprennent tous des éléments et des points. C'est des hadiths qui sont mutawatir, c'est-à-dire qui sont rapportés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en très grand nombre. Et des fois, c'est une forme de tawatur qui est al-tawatur al-ma'nawi, dans le sens que c'est pas le nombre de hadiths qui sont rapportés nécessairement pareil, mais des hadiths qui sont dans le même sens que ce hadith-là. Donc, ils impliquent, dans ce cas-là, l'action et la science et l'action. Hein? C'est-à-dire, tu dois les accepter, tu dois prendre la science qui est dans ces hadiths-là et les appliquer, hein? Puisqu'ils sont authentiques. Et il dit, on peut extraire de ces, le talib, yani la personne qui cherche la vérité et qui est sur la sunna, elle peut extraire de ce hadith et des autres hadiths qu'on a mentionnés les points suivants. Et le cheikh, il va mentionner 6 points. Il va mentionner 6 points. Donc, voici les 6 points que le cheikh a mentionnés. أولاً وجوب الحذر من البدع وأهلها مع شدة النكير والنفرة. Premièrement, l'obligation pour le musulman de faire attention, de prendre garde aux innovations et aux gens de l'innovation. Et مع شدة النكير والنفرة. Tout en condamnant sévèrement ces innovations-là et ces gens-là, et en s'enfuyant d'eux. ثانيا دزيما ليست الكثرة دليلا على الحق كما أن القلة ليست دليلا على عدم الحق بل العبرة بإصابة الحق donc deuxièmement le cheikh il dit la quantité de personnes qui suit quelque chose n'est pas une preuve de vérité de même que le peu de nombre de personnes qui suit quelque chose n'est pas une preuve de justement l'absence de vérité hein? Le fait que qu'on soit nombreux ça ne veut pas dire qu'on est sur le haq et le fait qu'on soit peu nombreux ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur le haq non plus qu'est-ce qui est à prendre en considération c'est justement le fait d'être en accord avec la vérité et d'avoir atteint la vérité c'est ça qui est le facteur qu'on doit prendre en considération ici le point numéro 3 الحكم على أكثر الأمة بأنه هالك ولهذا حكم صلى الله عليه وسلم على 72 فرقة بأنها هالكة وقال في النار وقال في النار يعني وهذا في حديث الافتراق وقوله في النار هو من أحاديث الوعيد قوله ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة ثم قال إلا واحدة هذا دليل على الحذر من أهل البدع وأنه هو الأصل donc le cheikh il dit troisièmement le verdict que le jugement hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la umma que la plus grande portion de la umma sera hein, dans la perdition et ce jugement là Il vient du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des 72 sectes qu'elles seront perdues, qu'elles seront dans la perdition, qu'elles vont périr, c'est-à-dire qu'elles seront en enfer. Et ça, c'est dans le hadith de la division qu'on a lu plus tôt. Et lorsque on dit dans l'enfer, c'est-à-dire que ça fait partie des hadiths de la menace. Les hadiths de la menace en arabe al-wa'id ahadith al-wa'id c'est-à-dire qu'il faut le comprendre comme on comprend de façon générale les textes qui parlent de la menace ok donc ça c'est très important et juste pour noter ici en passant et clarifier qu'est-ce que le cheikh explique c'est que les gens d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a ils croient aux textes tels qu'ils sont Hein, ils les acceptent tels qu'ils sont et yani, ils ne peuvent pas les faire sortir de leur sens excepté s'il y a d'autres preuves qui viennent clarifier ou rajouter des conditions ou des règles et en ce qui concerne les textes de la menace on dit que si quelqu'un a fait ce qui correspond à ce qui est mentionné dans la menace eh bien ça ne veut pas dire nécessairement que la personne en question, la menace va être appliquée sur lui, puisqu'il y a des choses qui peuvent faire en sorte que la personne soit épargnée de cette menace au jour de la résurrection par Allah subhanahu wa ta'ala pour différents facteurs, différentes raisons. Et donc le principe c'est que, yani, si ce sont des gens qui sont kuffar, hein, donc parmi ces 72 sectes, si ce sont des groupes qui sont sortis de l'islam à cause de leur bid'a qui atteint le degré de shirk ou de kufr, dans ce cas-là ils seront dans l'enfer pour l'éternité puisqu'ils ont commis un kufr ou un shirk majeur toutefois si ce sont des gens qui font partie des musulmans du fait qu'ils ont fait des innovations qui ne sortent pas de l'islam hein, qui ne font pas sortir de l'islam Dans ce cas-là, ils sont sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala comme pour le reste des autres hadiths qui parlent des menaces d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que, yani, si ils, par exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala souhaite yani, les punir, il va les punir dans l'enfer selon sa justice et si il souhaite leur faire miséricorde, il va leur faire miséricorde et il va les pardonner et les faire rentrer au paradis directement. Toutefois, même s'ils rentrent en enfer, ils ne vont pas y demeurer éternellement, mais ils vont uniquement y rester un temps hein, que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Puis, par la suite, ils vont en sortir, comme cela est expliqué par de nombreux hadiths qui parlent de l'intercession et d'autres hadiths de ce genre. Et ça fait partie des principes et des fondements de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, du fait que la personne qui meurt sur un grand péché ne sera pas éternellement en enfer, et s'il rentre en enfer, il sera yani, il en sortira tôt ou tard, puisqu'il est mort sur le tawhid, n'a pas commis de shirk majeur. Donc ça c'est un fondement. Donc ça s'applique aussi à ce hadith, le hadith des 73, les 72 qui sont en enfer et le celui qui sera au paradis. Ça ne veut pas dire que tous les 73, les 72 sectes qui sont en enfer seront tous des koufars. Il y en a qui pensent que ça veut dire ça, mais c'est pas ça que ça signifie. Hein? Ça ne veut pas dire que si ces 72 sectes sont égarées, ça ne veut pas dire qu'elles seront toutes nécessairement en enfer, ou que tous les individus de ces groupes-là seront tous en enfer. Mais c'est une menace hein, pour eux, dans le sens qu'ils doivent éviter et s'éloigner et quitter ces sectes et leurs croyances et les gens qui les suivent, et revenir à la vérité et à la voie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a pour faire partie du groupe sauvé qui est sur la même croyance que la croyance des Sahaba, des Tabi'in et de ceux qui les ont suivis. Donc ça c'était juste une note en passant pour clarifier ce point. Ensuite le Cheikh il dit, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette umma se divisera en 73 sectes, hein, puis qu'il a dit excepté une, eh bien il y a ici la preuve qu'il faut faire donc attention et prendre garde aux gens de l'innovation, hein, et que c'est ça la base dans l'islam, qu'il faut s'écarter et prendre garde aux gens de l'innovation et de l'égarement pour éviter de faire partie des 72 sectes et pour faire tout ce qu'on peut pour faire partie du groupe sauvé. Ensuite, le cheikh il explique le point numéro 4. Hein, et le point numéro 4, il dit wa anna jama'at al-haq. أن جماعة الحق واحدة وليست متعددة، وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها ابن مسعود رضي الله عنه. Donc ça aussi c'est un point important que le cheikh clarifie ici et mentionne, c'est que il est en train de nous dire, il est en train de nous dire que le groupe qui est sur la vérité, c'est un seul groupe, et non pas des groupes multiples. C'est un seul groupe, et non pas des groupes multiples, et c'est par cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, et c'est aussi l'explication qu'en a faite Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, lorsqu'il a dit que c'est, la jama'a. Et lorsque Abdullah ibn Mas'ud a expliqué que la jama'a, c'est d'être sur la vérité, même si tu es seul. Hein? Donc si tu es quelque part et que c'est toi qui supportes la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'a et des Salaf al-Salih dans l'Aqidah et dans le Manhaj, donc même si tu es seul, eh bien c'est toi le groupe. C'est toi qui représente le groupe dans cette situation-là, parce que c'est toi qui es sur la vérité. Et donc c'est pas un nombre ou une quantité ou de plusieurs groupes multiples comme certains essaient de le faire comprendre. Parce qu'il y en a des gens de Hezbollah par exemple, ils essaient de faire croire aux gens que tous les groupes sont bons et que tous les groupes appellent à un aspect de l'islam, et donc qu'il faut supporter tous les différents groupes et accepter toutes les différences, et que l'islam est comme ils le disent, comme si l'islam c'est une religion qui accepte la diversité, hein, et que l'islam c'est une religion qui accepte le multipartisme, et comme ils, y a, y a, ils ont des termes aussi pour définir ça, comme la diversité. Ils disent diversité, puis ils disent aussi le pluralisme, hein, le pluralisme. Donc ils essaient d'utiliser les termes des koufars pour essayer d'expliquer ou de définir l'islam et de l'expliquer à la façon des koufars. Yani Allahul Musta'an. Donc non, l'islam c'est pas une religion pluraliste dans le sens qu'elle accepte l'égarement et les sectes et les groupes et les innovations et les partis. Non, les musulmans ne forment qu'un seul groupe et une seule jama'a et un seul parti, hein, Hezbollah. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des groupes, il parle d'un seul groupe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle toujours d'un seul groupe, d'une seule jama'a, pas de plusieurs jama'at, d'un seul groupe. Et il parle toujours d'une seule voix, hein, al-shari'a, al-milla, al-sirat, toujours au singulier, tout le temps. La vérité est toujours au singulier, tandis que l'égarement est toujours au pluriel, hein. Donc c'est pour dire que il n'y a pas plusieurs voix, il n'y a pas de pluralisme, il n'y a pas de multipartisme, il n'y a pas de diversité de la vérité. Non, la vérité c'est une seule et unique vérité et un seul et unique chemin, une seule et unique voie, et c'est ça ce qu'on doit suivre, comme le cheikh l'explique aussi ici. Après le point numéro 5, le cheikh il dit khamisan لزوم هذه الجماعة وإمامها إذا وجدت وهي موجودة ما تخلو الأرض منهم ولكن أحيانا ليس لها إمام وهذا في آخر العصور نسأل الله العفو والسلامة في الفتن وأحيانا لها إمام لشيخ الزي سنكما. Il faut s'accrocher, hein, et ça, c'est qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces textes, qu'il faut rester accroché à cette jama'a, c'est-à-dire à ce groupe qui s'accroche à la vérité, et à leurs dirigeants. Et ça, c'est lorsque c'est quelque chose qui existe, lorsque c'est présent. Donc, tu restes avec la jama'a et avec l'imam. Yani, c'est-à-dire que tant qu'ils sont présents sur la terre et que la terre possède une jama'a et un imam. Il dit, mais c'est possible qu'il y ait une époque, comme à la fin des temps par exemple, où il n'y ait pas d'imam, il n'y ait pas de dirigeant. Nasrallah al-afwa wal-afiya wa salama. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner et de nous sauver, hein, des fitanes. Il dit, parfois elle a un imam et parfois elle n'a pas d'imam. Et le point numéro 6, سادسا إذا لم يوجد جماعة ولا إمام وأنا طامع في أن يكون هذا نسبي أطمع أن يكون نسبيا ولا أحكم على الله وعلى على رسوله ولكني أطمع ويحفزني على قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة فأهل الحق لا تخلو الأرض منهم أبدا وهذا وعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن قد لا يكون لها إمام فالعلاج ما هو العزلة اعتزال جميع الأمواج المتلاطمة جميع الفرق الضالة المتلاطمة والنجاة بنفسك تعتزل تلك الفرق كلها وقد يكون مع بعضها شيء من الحق ولكن ما دامت القضية قضية تلاطم وتناحر وتصادم وتشاجر وتخاصم وحرب وليس هناك إمام ينحاز إليه فإنه ينجو بنفسه هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في هذا كثيرة. Donc le cheikh dit, sixièmement, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que s'il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de jama'a ni d'imam, il dit j'espère que cette chose soit uniquement relative, C'est-à-dire que ce soit une main relative, il dit je ne veux pas juger par, sur Allah et son messager, mais c'est quelque chose que je souhaite. Hein, et qu'est-ce qui me pousse à avoir cet espoir? C'est yani, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura toujours un groupe de ma umma sur la vérité victorieux. Et donc, les gens de la vérité, ils ne vont jamais être complètement éliminés ou absents de la terre. Il y aura toujours un groupe sur la terre qui sera sur la vérité. Et ça, c'est la promesse d'Allah par la langue de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est possible qu'il n'ait pas d'imam ou de dirigeant. Alors, quel est le remède dans ce cas-là? Il dit, le remède dans ce cas-là, c'est al-uzla. C'est-à-dire de s'écarter complètement de tout, de toutes les vagues de sectes et de groupes hein, qui se suivent les unes après les autres et qui se frappent les unes les autres, et de se sauver avec soi-même, hein, de se sauver avec soi-même et de s'écarter de toutes ces différentes sectes. Hein, et il est possible que même certaines d'entre elles soient sur la vérité. Donc il dit, du moment que on parle de ce sujet, de cette question, et que à cette époque ou à ce moment que les musulmans n'auraient pas d'imam par exemple ou n'auraient pas de dirigeant, et c'est pas le cas bien entendu actuellement hein, ça c'est uniquement vers la fin des temps, donc lorsqu'il y aura ce genre de situation eh bien yani, on verra par exemple des groupes qui se frappent, qui se tuent, qui se disputent, hein, qui ont des conflits les uns avec les autres, et qui se font la guerre les uns aux autres, et qu'il n'y a pas un dirigeant vers lequel les gens retournent, hein, et qui se mettent autour de lui, eh bien, dans ce cas-là, la personne, elle se sauve avec sa personne, hein, elle se sauve elle-même, et elle s'écarte, hein, de tout ça. Hein, elle s'en va dans des endroits où elle est loin de tous ses problèmes et elle se sauve elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a de nombreux hadiths à ce sujet-là. Na'am. Ensuite, le cheikh, il dit « Amma min sirati salaf al-salih al-qawliya fa inna al-naqla anhum radiyallahu anhum wa rahimahum mutawatir » Donc, en ce qui concerne maintenant la vie des salaf salih et leurs paroles, hein, leur exemple et leur explication et leurs paroles, eh bien, les narrations à ce sujet-là sont mutawatira, c'est-à-dire les paroles des salaf à ce sujet qui ont été rapportées sont très très très nombreuses. Hein, que Allah soit satisfait d'eux et leur fasse miséricorde. Donc, il dit. وذلك ومن ذلكم donc là le cheikh qu'est-ce qu'il fait, donc il a mentionné les hadiths, il a expliqué ces hadiths et maintenant il va citer des paroles des salaf pour confirmer ce principe, hein, pour confirmer ce principe qui fait partie de la voie des salaf, c'est-à-dire de s'écarter des gens de bid'a et de yani d'être dur envers eux et de ne pas les fréquenter, et ainsi de suite. Ça, c'est clair dans les paroles des salaf. Le cheikh, il donne des exemples maintenant. Il dit, مِنْ ذَلِكُمْ قَوْلُ الْفَارُقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِيَّاكُمْ وَأَهْلِ الرَّأِيِ أَعْدَاءُ السُّنَنِ أَعْيَتْهُمْ أَحَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْفَظُوهَا فَقَالُوا بِالرَّأِي فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. Donc ça, c'est une parole de Omar ibn al-Khattab, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, qui est très connue, très célèbre, dans laquelle il dit, prenez garde aux gens de Ar-Ra'i, c'est-à-dire les gens qui prétendent se baser sur leur raison, sur leur logique, hein, et qui délaissent les preuves des hadiths, hein, et de la sunna. Donc il dit, prenez garde aux gens de la raison, hein, de la logique, qui sont les ennemis des sunnans, ennemis des choses qui viennent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ont été incapables de mémoriser et de garder les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors à cause de ça ils ont dit les choses selon leur propre logique, selon leur propre raison, et à cause de ça ils se sont égarés et ils ont égaré les autres. Donc ça c'est un exemple. Un autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Lalakai selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, et il dit قال والله ما أظن أن أحدا أحب إلي أحب إلى الشيطان ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم فقيل كيف فقيل وكيف قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. Donc ici c'est une parole de l'imam une parole du sahabi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu que l'imam al-Lalakai a rapporté. Il a dit que Abdullah ibn Abbas a dit par Allah je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un pour qui le shaitan souhaite plus qu'il meure aujourd'hui que moi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne que le shaitan souhaiterait plus voir mourir aujourd'hui que moi. Et ils ont demandé, pourquoi, comment? Ils ont demandé à Abdullah ibn Abbas, pourquoi? Comment? Et il a répondu, il a dit, lorsqu'une bid'a est inventée, soit à l'est ou à l'ouest, eh bien, un homme me la ramène, c'est-à-dire un homme vient vers moi pour me ramener cette bid'a. Et une fois qu'elle arrive à moi, cette bid'a, je la détruis avec la sunna. Puis elle est retournée vers lui, elle lui est renvoyée. Donc c'est-à-dire que le shaitan, il souhaite la mort d'Abdullah ibn Abbas, justement parce que Abdullah ibn Abbas est un des plus grands combattants de la sunna et il détruit les bid'a et les innovations. Chaque fois qu'une innovation arrive à lui, il la détruit. Donc, ça c'est pour dire que les bid'a et les gens de bid'a, c'est quelque chose que les sahaba détestent. C'est quelque chose que les sahaba combattent. Wa rawa anhu radiyallahu anhu aw warwiya anhu رضي الله عنه يوشك أن تنزل أو تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ومن ذانكم الرجلان صديق الأمة وإمامها بعد النبي صلى الله عليه وسلم والآخر كذلك الإمام الثاني من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما على رأس من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وعلى رأس من مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. Donc le Sheikh il mentionne une autre narration qui est attribué à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans laquelle il dit je crains que des pierres tombent sur vos têtes, tombent du ciel sur vous. Je crains que des pierres tombent du ciel sur vous, parce que je vous dis le messager d'Allah a dit et vous me répondez en disant Abu Bakr et Omar ont dit. Et qui sont ces deux hommes? Siddiq al-Umma, le véridique de cette umma est son imam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'autre également c'était le deuxième imam de cette umma parmi les hommes après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont à la tête de ceux qui ont témoigné, de ceux pour qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'ils seront au paradis, et à la tête de ceux وعلى رأس من مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. À la tête de ceux pour qui le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a été satisfait d'eux au moment de sa mort. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم est mort, il était satisfait d'eux. Et malgré ça, Abdullah ibn Abbas dit ça par rapport à ceux qui prennent leur parole au-dessus de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire de celui qui prend la parole de quelqu'un qui est moindre que ces deux-là, qui est moindre que ces deux grands hommes, hein, et qui la place au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple ceux qui prennent la parole des quatre imams, Abu Bakr, par exemple Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, ils prennent la parole de ces quatre imams dans les madahib et ils la mettent au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les règles de la religion. Donc ça c'est encore plus grave que de prendre la parole de Abu Bakr et Omar et de la mettre par-dessus la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la même chose pour toute personne qui mettrait la parole de quelqu'un parmi les hommes au-dessus de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc Abdullah ibn Abbas craignait que des pierres tombent sur la tête des gens qui faisaient ce genre de choses-là. C'est pour montrer à quel point c'est dangereux et c'est grave. Et il dit « وقال الشعبي قال الشعبي رحمه الله إياكم والمقايسة إياكم والمقايسة فوالذي نفسي بيده لأن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال فما بلغكم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه وما أو قال فخذوا به. Donc l'imam al-Sha'bi rahimahullah, il disait: faites attention aux gens qui se basent sur leur logique et qui font des analogies, qui se basent sur la logique seulement, hein? Il dit: parce que par celui qui tient mon âme en sa main, si vous prenez seulement par la logique et par le qiyas, eh bien vous allez rendre halal, vous allez rendre halal ce qui est haram, et vous allez rendre haram ce qui est halal. Plutôt, ce qui vous parvient des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors prenez-le. Ou il a dit: alors prenez ce qui vous parvient de cela. Donc prenez leur parole. Il dit: wa qala Ayyub as-Sakhtiyani رحمه الله قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة: لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال يقر فيه ما شاء. Donc ça c'est une autre citation de l'imam Ayyub as-Sakhtiyani, hein, parmi les imams des salaf, rahimahullah. Il dit que Abu Qilaba lui a dit: ô Ayyub, mémorise de moi ou garde quatre choses de ce que je vais te dire. Ne parle jamais du Coran selon ton opinion et prends garde à la prédestination. C'est-à-dire fais attention de ne pas rentrer dans les discussions sur la prédestination. Et il dit: et lorsqu'on te mentionne les compagnons du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors garde-toi, hein, de parler en mal d'eux. Et ne laisse pas, ne donne pas la chance aux gens de passion, yani d'avoir tes oreilles, hein, de jeter dans tes oreilles ce qu'ils veulent, ou d'établir dans tes oreilles ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de te dire ce qui, des paroles d'égarement ou des bid'ahs, ne les écoute pas, hein. Donc ça c'est les quatre conseils que Abu Qilaba a donné à l'imam Ayyub as-Sakhtiyani. Ensuite il dit: wa rawa al-imam Malik ibn Anas rahimahullah annahu kana rajulun min ahli al-ahwa yasiru khalfahu wa yaqulu ya aba abdillah nazirni يا أبا عبد الله ناظرني كلمة يا أبا عبد الله اسمع مني كلمة كلمة يا أبا عبد الله كلمة اسمع مني كلمة وهو يشير بيده ويقول لا ولا نصف كلمة قال يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله ناظرني، فإن غلبتني تبعتك وإن غلبتك تبعتني. قال الإمام مالك رحمه الله رحمة الله عليه محنكا وفطنا وملهما، فالتفت إليه وقال وإن جاء ثالث فغلبنا. قال فنتبعه. قال اذهب فأنت تتنقل. Donc le cheikh il mentionne cette narration qui est attribuée à l'imam Malik rahimahullah, qu'un homme parmi les gens de la passion marchait derrière lui, le suivait. Il lui disait: oh Abu Abdullah, débat avec moi. Oh Abu Abdullah, débat avec moi. Hein, une parole seulement. Hein, écoute juste une parole seulement de moi. Hein, et il faisait le signe avec sa main. Même pas la moitié d'une parole que je vais écouter de toi. Et il disait: oh Abba Abdullah, débat avec moi. Et si tu as le dessus, je vais te suivre. C'est-à-dire, si c'est toi qui es plus fort et que tu prends le dessus sur moi dans l'argument, eh bien, je vais te suivre. Et si c'est moi qui ai le dessus sur toi, eh bien, dans ce cas-là, toi, tu vas me suivre. Et dans ce cas-là, l'imam Malik, rahimahullah, hein, qui était expérimenté, qui était très intelligent, hein, et inspiré, hein, il s'est tourné vers lui et il lui a dit: et si un troisième vient, si une troisième personne arrive par la suite et qu'il réussit à avoir le dessus, il réussit à avoir le dessus sur nous deux, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Il a dit: mais dans ce cas-là, on va le suivre. Alors il lui a dit: va, hein, et yani va-t'en, parce que tu es une personne qui change beaucoup. Hein, t'es une personne, toi, qui change beaucoup. Et le cheikh, il dit: بيد كل واحد كما يقول العوام عندنا من يدي نشيط هذه عندكم يا أهل المغرب عندنا مثل من يقول من يدي نشيط في يدي نشيط يعني ما يستقر مع كل واحد يمشي. Donc le cheikh il c'est comme si il veut illustrer l'exemple en donnant un exemple, un proverbe que les gens du commun utilisent en Arabie Saoudite pour expliquer ou pour illustrer l'attitude de cet homme qui voulait débattre avec l'imam Malik. Et il demande le cheikh: est-ce que vous connaissez cet exemple vous les gens du Maghreb? Et il explique ce qu'il veut dire par cette expression que les gens de son pays disent. Il dit, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne reste jamais en place, hein. Il marche avec toute personne qu'il rencontre. Il rencontre quelqu'un qui suit quelque chose, alors il le suit. Il y a des gens comme ça, hein. Ils ne restent pas en place, ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de fondement. Ils font juste changer, aussitôt qu'il rencontre quelqu'un, il change. Après, il mentionne une autre parole, il dit: وقال المفضل ابن مهلهل رحمه الله لو كان صاحب البدعة يحدثك في أول مجلسه أو قال في أول أمره ببدعته لحضرته ونفرت منه، ولكن يحدثك في بدء مجلسه بالسنة ثم يدخل عليك من بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تفارق قلبك. Donc le cheikh il dit que Al-Mufaddal ibn Muhalhal rahimahullah, il a dit: si la personne qui est sur la bid'a, elle te parlait de sa bid'a du premier coup, hein, à la première rencontre qu'elle te voyait, elle commençait à te parler directement de sa bid'a, eh bien là tu pourrais te préserver et être sur tes gardes et t'enfuir de lui. Mais il commence toujours par te parler au début de la sunna, hein, de quelque chose de la sunna. Alors, par la suite, il rentre sur toi avec sa bid'a par la suite. Hein, et peut-être qu'elle va rester dans ton cœur et tu ne pourras plus t'en débarrasser. Hein? Et une fois qu'elle est rentrée dans ton cœur, comment elle va s'en séparer? Comment elle va sortir? Hein? Donc, c'est ça le danger, en fait. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que la bid'a, une fois qu'elle rentre, c'est pas aussi facile de la faire sortir. Parce que parfois, elle rentre avec des shubuhat, et elle rentre avec de la passion, et pour la faire sortir, c'est très très très difficile, et c'est pas toujours tout le monde qui a la connaissance nécessaire pour être capable de te l'enlever, cette shubha. Donc, tu risques d'être pris avec. Hein? Donc, il y a ça, et le cheikh il dit ensuite, « Sami'tum أهل السنة سمعتم أهل البدع مكرة عفاريت نفاريت يعرفون كيف يتصيدون من قل فقهه من الأغرار الذين لم يكن عندهم فقه يحصنهم من أهل البدع والمحدثات. Donc le cheikh il dit, vous entendez, hein, les gens de la bid'a sont des gens rusés. Sont comme des diables, hein, des afarites, des démons. Et ils savent comment pêcher et cueillir les gens qui ont peu de compréhension et de connaissance de la religion. Parmi les gens qui se laissent tromper, hein, et qui n'ont pas de compréhension pour se préserver et se protéger eux-mêmes des gens de la bid'a et des innovations. Donc, il faut faire très attention à ces choses-là. Parce que, il y a certains muqtadi'a, il y a certains hizbiyin qui ont tellement de shubuhat, quand ils parlent, ils peuvent te renverser le cerveau. Et toi, tu comprends même pas qu'est-ce qui se passe. Hein? Tellement ils ont des shubuhat et des fitan dans leur cœur, que lorsqu'ils commencent à te jeter ça sur toi, et que toi, par exemple, ta compréhension elle est limitée, et ta connaissance, elle est limitée, ils vont te remplir d'informations que toi, tu n'as jamais entendues et que tu ne connais pas, et donc tu ne pourras pas savoir si c'est vrai ou non, tu ne pourras pas savoir si tu peux les nier ou non, et donc après tu vas être mal pris, tu vas être confus, et là tu vas être obligé de retourner, aller commencer à demander aux gens, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas vrai, lui il m'a dit ça, est-ce que c'est vrai, lui il m'a dit ça, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est correct qu'est-ce qu'il dit? Et là, tu vas être confus, tu vas être mélangé. Tout ça parce que tu as écouté et tu es rentré dans les choubouhat de ce hizbi et de ce muqtadir. Mais il y a des frères, hein, il y a des sœurs que Allah subhanahu wa ta'ala les guide, ils ne prennent pas de leçons, malheureusement. Ils ne prennent pas de leçons des expériences des salafs et des paroles des salafs, et ils ne prennent pas de leçons de leurs propres erreurs. Et malheureusement, ils continuent à aller discuter avec ces gens-là et argumenter avec eux. Et ils pensent que, soit qu'ils pensent naïvement qu'ils vont être capables de les ramener, ou bien ils pensent que ils vont peut-être être capables de montrer leur fausseté, des choses comme ça. Alors qu'à la fin, tu les vois par la suite, et puis ils sont avec eux. Et ça y est, il les a influencés, et il a réussi à les égarer par la suite. Et même s'il n'est pas nécessairement avec lui, mais il sort avec un doute, ou avec des confusions dans sa compréhension de la religion. Un autre exemple, le cheikh dit, « وقال مصعب بن سعد رحمه الله لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين إما أن يفتنك فتتبعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. » C'est exactement ce que je disais. Hein? Le cheikh il dit que Mus'ab ibn Sa'd, rahimahullah, il a dit, ne t'assois pas avec quelqu'un qui a une fitna en lui-même. Hein? Une bid'a, une fitna, quelque chose comme ça. Parce que il ne va pas te manquer de te frapper de deux choses, de te faire tomber dans deux choses. Soit qu'il va te mettre une fitna en toi-même, toi aussi, et tu vas le suivre, ou bien qu'il va te faire du tort et que tu vas être affecté par ce tort avant que tu te sépares de lui. Hein? Donc c'est ça le danger. Et le cheikh il dit, فَبَانَ بِهَذَا النَّقْلِ والتقرير الذي بدأناه بنصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وثنينا فيه بأقوال أئمة أهل السنة أن الأصل في المبتدعة هو المفاصلة مفاصلة أهل السنة لهم وحذرهم منهم. Donc le cheikh il explique, il dit, on voit clairement maintenant après ces narrations, ces transmissions qu'on a mentionnées, qu'on a rapportées, que c'est confirmé. On a commencé par les textes de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, et on a donné en second lieu les paroles des imams de Ahl al-Sunnah, et donc on peut conclure que la base par rapport aux gens de Bid'ah, c'est de se couper complètement d'eux et de se séparer d'eux. Donc les gens de Ahl al-Sunnah se séparent des gens de Bid'ah et ils avertissent contre eux. C'est ça la base. Le cheikh il explique maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire la première partie de la question. الشطر الأول الغلو في الجرح الشدة انتهينا منها ولكن الغلو في الجرح. Donc là maintenant on va parler de الغلو في الجرح. Et justement il y a certains individus il n'y a pas longtemps qui faisaient circuler ça. يعني الغلاة الجرح et الغلو في الجرح. L'exagération dans le jarh, l'exagération dans la critique. Il y en a qui disent, même comme Mohamed Hassan, il avait fait une série, il parlait de al-jarh ou al-tajrih, roulat al-jarh ou al-tajrih, les extrémistes de la critique. Et pour se moquer d'eux, au lieu de dire al-jarh ou al-ta'dil, ils disaient al-jarh ou al-tajrih, en voulant dire que ils critiquent les salafis, les gens d'Ahl al-Sunnah, que eux, pour eux, il n'y a que la critique. Il n'y a pas de ta'dil, c'est-à-dire le fait de faire l'éloge et de mentionner du bien de certaines personnes. Alors qu'on sait très bien que c'est faux. Mais le problème, c'est qu'ils veulent qu'on fasse l'éloge des gens de Bid'ah. Et étant donné qu'on ne fait pas l'éloge des gens de Bid'ah, ils nous critiquent en disant que vous ne faites pas de ta'dil. Alors que tout le monde sait très bien qu'on fait le ta'dil des imams de l'islam, et des salafs, et des ulama, et des mashaykhs, parmi les mashaykhs salafiens de notre époque. On fait leur ta'dil, on ne fait pas leur jarh. Mais ils veulent qu'on fasse le jarh de leurs éléments qui suivent la bid'ah et qui suivent l'égarement. Donc le cheikh il explique cette partie-là. Il dit... ولكن الغلو في الجرح أقول لا يغلو سني في الجرح أبدا لأن هذا دين يدين الله به ولكن نحن نسمع ما بين الفينة والفينة هذه الكلمة تردد فالسني يدين الله سبحانه وتعالى بالجرح إذ هو عنده دين يدين الله به فيذب به عن السنة وأهلها كما أن التعديل كذلك دين ولهذا فإن أهل السنة أعني الأئمة حريصون على أن لا يجرحوا أحدا ببدعة فضلا عن كفر إلا وعندهم من البينات ما يشهد لهم ولكن أهل الأهواء يفسرون هذا غلوا فما دام الدليل قد قام واضحا على أن فلانا من الناس مبتدع ضال منحرف فكيف يفسر هذا غلوا. Donc le cheikh il commence à répondre en disant que un sunni, quelqu'un qui est sur la sunna, il n'exagère pas dans le jarh, il n'exagère jamais dans le jarh. Un sunni, il n'exagère jamais dans le jarh. Parce que c'est quelque chose qu'il considère comme faisant partie de sa religion et par laquelle il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on entend de temps à autre cette parole qui est répétée. Que les gens exagèrent dans le jarh. Le cheikh il dit, le sunni, il adore Allah en faisant le jarh. Et c'est une religion pour lui qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de faire le jarh et de critiquer les gens d'une bid'ah, d'une innovation et de l'égarement. Ou les gens qui ont des erreurs. Donc il dit, si c'est une religion pour lui et qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala en faisant cela, hein, donc ça c'est, c'est-à-dire qu'il défend par cela la sunna et les gens de la sunna. Et la même chose pour le ta'dil, hein, le fait de faire l'éloge et de mentionner du bien de quelqu'un, il le fait également par rapport à sa religion et il le prend comme quelque chose de religieux et il le fait pour Allah et ça fait partie de l'adoration pour lui, hein. Et donc c'est pour ça que les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire les imams, hein, les imams de l'islam, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils sont très méticuleux et ils font des efforts pour ne critiquer personne par rapport à une bid'ah ou encore plus si c'est quelque chose qui a rapport avec le kufr. Ils font tous leurs efforts pour ne pas accuser ou critiquer quelqu'un d'être sur une bid'ah ou sur un kufr, excepté qu'ils ont eu à ce sujet-là des preuves et des éléments de preuve et des évidences qui témoignent pour eux en leur faveur par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ont des preuves. Ils ne vont pas accuser quelqu'un d'une bid'ah ou d'un kufr, excepté qu'ils ont à ce sujet des preuves claires. Mais les gens de la passion, ils interprètent cela comme faisant partie de l'exagération. Hein? Donc le cheikh il dit, فما دام الدليل قد قام, du moment que la preuve elle a été établie de façon claire sur le fait qu'un individu, hein, parmi les gens est un innovateur, un mubtadi', un égaré, un dal et un munharif, c'est-à-dire quelqu'un qui est dévié, alors comment pouvons-nous par la suite interpréter cela comme étant de l'exagération? Et il dit, وأهل السنة متقرر عندهم أنهم لا يبدعون أحدا فضلا عن تكفيره حتى يقوم عليه الحجة الرسالية وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة أعرف بالناس بالحق وأرحم بالخلق وأرحمهم بالخلق. Donc le cheikh il dit, donc les gens de la sunna, c'est un principe qui est établi et confirmé pour eux qu'ils ne vont pas déclarer quelqu'un d'être sur la bid'a et d'être un mubtadi', hein, et encore moins d'être un kafir et de faire son takfir, excepté après avoir établi contre lui la preuve, hein, de la révélation ou du message. Et comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'a mentionné, que les gens de la Sunna sont les gens les plus savants, c'est-à-dire les gens qui connaissent le mieux la vérité, et qui sont les plus miséricordieux envers les créatures. Les gens de la Sunna sont les gens qui connaissent le mieux la vérité et qui sont les plus miséricordieux envers les créatures. ولكن أهل الأهواء لا يقر لهم قرار ولا تنام لهم جفون ولا تنشرح لهم صدور ولا تطمئن لهم قلوب بالجرح لأن أئمة السنة وعلماء السنة وأهل السنة يبغضون أهل البدع. يبغضون أهل البدع يبغضون أهل البدع فإذا كشف لهم عن رجل بأنه مبتدع قوي البغض في قوي البغض في نفوسهم وقوي الحذر فحذروه وإن كانوا من قبل يحسنون به الظن وهذا لا يرضي أهل الأهواء. نعم قد يكون من بعض أهل السنة شيء من القسوة لما يراه هو أن الأمر يستدعي القسوة، والآخر إن كان لا يخالفه في أصل المسألة ولكنه يستعمل أحيانا عبارات لينة، وهذا ليس محل خلاف. وإذا سلمنا على ما ورد في السؤال من حكاية لقول بعض أهل الأهواء أن بعض أهل السنة يغلو في الجرح، أقول من قديم وجد من أهل السنة من هو قوي وليس غاليا، حرصا على حماية السنة وشدة في الذب عنها وعن أهلها، وما لامه الآخرون وما قالوا إنه متفرق. Donc le cheikh il explique. Non. Donc le cheikh il dit ici, mais les gens de la passion, ils ne vont jamais être en paix, ils ne vont jamais accepter dans leur cœur, leur poitrine ne va jamais s'épanouir à la question du jarh. Pourquoi? Parce que les imams de Ahlus Sunnah et les ulama de la Sunnah et les gens de la Sunnah détestent les gens de la bid'a. Et du moment que on a dévoilé ou qu'on leur a dévoilé qu'un homme est un innovateur, eh bien la haine de cet homme grandit dans leur cœur, dans leur âme. Et ils ont une forte aversion contre cette personne. Et ils vont prendre garde envers lui de façon très forte. Et ils vont aussi avertir contre lui. Même si auparavant, ils pensaient du bien de cette personne. Mais cela ne satisfait pas les gens de la passion. Il dit... Le cheikh dit non. Il dit oui, c'est possible qu'il y ait certains parmi les gens de la sunna qui aient un peu de dureté à cause du fait qu'ils voient et qu'ils considèrent que l'affaire en question nécessite cette dureté-là. Tandis que d'autres, eux, le contredisent sur cette question-là, dans le sens qu'ils ne sont pas d'accord que cette personne nécessite ou cette question nécessite autant de dureté, mais ils ne sont pas en contradiction avec lui sur la base de la question elle-même, c'est-à-dire sur la base de cette bid'a et du fait que cette personne-là soit un innovateur. Ils sont d'accord, mais eux, ils vont préférer employer parfois des expressions plus douces, hein. Et ça, c'est une question de divergence. Hein, c'est un aspect de divergence. Et il dit le cheikh que si on accepte, qu'on laisse l'expression telle qu'elle est mentionnée dans la question, qu'on entend souvent de la part des gens de la passion, qu'est-ce qu'ils disent au sujet des gens de Ahl Sunnah, qu'ils exagèrent, qu'ils sont extrémistes dans le djarh, le cheikh il dit: je dis à ce sujet-là depuis longtemps, même dans les temps anciens, on a trouvé des gens de la sunna et ils étaient forts. On ne disait pas d'eux, ils sont extrémistes ou ils exagèrent. On ne disait pas ça d'eux. Parce qu'on sait qu'ils faisaient ça par amour et par, dans le but de vouloir défendre la sunna. Hein, et par dans le but de faire des efforts pour défendre la sunna, et à cause de du fait qu'ils voulaient absolument défendre la sunna et les gens de la sunna, mais les gens qui étaient d'accord avec eux sur la base, mais qui préféraient peut-être utiliser des expressions plus douces par exemple, ils ne les blâmaient pas. Hein? Et il ne disait pas d'eux que ce sont des gens qui divisent ou des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire que ceux qui étaient plus forts sur la sunna et qui voulaient défendre la sunna, eh bien, ils ne se faisaient pas blâmer par les autres comme étant des extrémistes. Au contraire, on reconnaissait en eux l'amour qu'ils avaient pour la sunna et le fait qu'ils étaient forts dans leur amour de la sunna et qu'ils voulaient défendre la sunna. Et le cheikh il dit, « وعلى سبيل المثال يقولون من وثقه شعبة فحسبك به ومن جرحه ينظر في جرحه ولم يتهم شعبة رحمه الله بأنه غال متشدد شدة في غير محله ولم أعلم أحدا حتى الساعة رجلا متمكنا في السنة خالطت بشاشتها قلبه حذر من شعبة ووشى به عند غيره من أهل السنة. Donc le cheikh dit, pour vous donner un exemple, il y avait un imam parmi les imams des salafs qui s'appelle Shu'bah. Et c'était un des imams du Jarh wa Ta'dil, un des grands imams de la sunna et du hadith. Un des imams parmi les imams des salafs. Donc Shu'bah, il était une personne qui avait une grande force et un grand amour pour la défense de la sunna et pour purifier la sunna. Donc, les imams, les ulama disaient, si tu as une personne que Shu'bah a déclaré comme étant fiable et thiqa, alors ça te suffit. Alors ça te suffit. Celui que Shu'bah a déclaré comme étant thiqa, alors il te suffit. Et celui qu'il a critiqué, alors dans ce cas-là, regarde son jarh. Pourquoi? Parce que Shu'bah, parfois, il était tellement sévère qu'il allait rejeter quelqu'un pour des choses qui ne méritaient pas nécessairement que ces hadiths soient rejetés. C'est pour ça que les savants disaient, si lui, il a dit que quelqu'un est fiable, sache qu'il est fiable. Parce que lui, il ne dit pas fiable de n'importe qui. Il n'accepte pas n'importe qui. Il est très, très strict. Il est très strict à cause de sa force dans la sunna et de son amour pour la sunna. Et celui qui l'a critiqué, par contre, vérifie. Parce que des fois, il est strict et il va même exclure des gens qui sont corrects. Et il n'y a personne parmi les imams qui l'ont accusé d'être extrémiste ou d'être mutashaddid. Il n'y a aucun d'entre les imams des salafs qui ont dit, lui, il est extrémiste. Mutashaddid, qu'il est dur à un niveau qui dépasse la limite ou que c'est une dureté qui n'est pas à sa place. Et il dit, jusqu'à aujourd'hui, le Cheikh Obeid il dit, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas connu aucun homme qui est établi dans la sunna et qui connaît la sunna et que la sunna a eu une place d'amour dans son cœur et qui a mis en garde contre Shu'bah ou qui a mentionné du mal à son sujet parmi les gens de Ahl al-Sunnah. Donc c'est pour dire que c'est un imam qui était sévère, strict, qui était dur dans les questions de la Sunnah, mais personne ne l'a critiqué comme étant extrémiste. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour les salafs, le fait d'être dur envers les innovateurs et les gens de la bid'ah, c'est une chose qui était une qualité pour eux. Et c'est quelque chose qu'ils considéraient avec respect et qu'ils honoraient la personne qui était comme ça. Et ils ne l'accusaient pas d'être un extrémiste ou d'être trop dur ou d'exagérer dans le jarh ou des choses comme ça. Donc ça, c'est apparu à notre époque de la part de certaines personnes qui ont justement des penchants pour les gens de bid'ah et pour les hizbiyin et qui veulent les défendre et qui n'aiment pas entendre qu'on les critique ou qui ne veulent pas qu'on critique quelqu'un pour certaines raisons. Et c'est ce qui se passe maintenant même dans les pays non musulmans, dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans. Parce que les gens de bid'ah, ils ont besoin de mettre de l'avant des prêcheurs pour faire la propagande et la promotion de leurs égarements et de leurs innovations et de leurs activités. Ils ont besoin des visages qui vont être en avant et que les gens vont écouter et suivre, hein, pour ramener les gens vers eux. Et étant donné que le manhaj des salafs est établi et que les gens maintenant connaissent les principes de la salafia et les principes des gens d'Ahl Sunna par rapport aux innovateurs, chaque fois qu'un savant met en garde contre un de leurs innovateurs ou un de leurs prêcheurs, eh bien ça les dérange. Hein? Ça les dérange parce que ça vient contrecarrer leur projet, ça vient contrecarrer leur propagande, ça vient contrecarrer la promotion de leurs égarements, et donc ils cherchent un moyen, par tous les moyens ils essaient de détruire, hein, la validité de ce principe et de ce fondement d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qui est le fait de yani, réfuter les innovateurs et de mettre en garde contre eux. Ils essaient de rendre ce principe-là nul. Et ils essaient de faire en sorte que les gens ne s'y réfèrent plus et que les gens ne retournent plus à la critique et à la mise en garde pour pouvoir se donner la liberté par la suite de faire ce qu'ils veulent avec les musulmans et de les égarer comme ils veulent. Donc faites attention à ces genres de choses-là et à ces genres de personnes-là, hein, parce que c'est des gens qui veulent, derrière, qu'est-ce qu'ils montrent, il y a des choses qu'ils cachent, qu'ils ne veulent pas que les gens sachent, parmi les différentes formes d'égarement, et souvent ces formes d'égarement-là, tôt ou tard, elles apparaissent, hein, et on les voit soit par leur affiliation et par les liens qu'ils ont entre eux, ou bien par d'autres moyens, soit par les paroles qu'ils laissent échapper parfois, qui montrent leur réalité, ou des choses de ce genre. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et demain, inshallah, on commencera, on fera là une autre cours, inshallah. Toutefois, il y a un changement d'horaire, il y aura un changement d'horaire, et je vais faire le nouveau. On a déjà fait le nouveau programme, mais il faut juste le mettre par écrit, inshallah, puis on va le diffuser par la suite sur les sites internet, inshallah. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم